La direction de Mont-de-Marsan est indiquée sur le panneau de signalisation avancée qui signale la prochaine sortie. Mais une ligne de dissuasion placée au niveau de la sortie interdit tout rabattement sur la voie de droite. De plus, un véhicule circule sur la voie de droite. Je ne peux pas lui couper la route. Je dois donc renoncer à suivre cette direction et faire demi-tour à la sortie suivante. Réponse B et D.